Vendredi 3 mai 2014, vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée et pour parler de son intégration mais dans différents styles ou dans différents médiums également. Alors, pourquoi différents styles et différents médiums? C'est qu'en fin d'émission, il y aura Michel Giguère qui sera de passage pour, comme d'habitude, mettre la table en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Et la prochaine rencontre s'intéressera au polar, à l'univers donc du polar en bande dessinée. Ce sera bien intéressant de voir quelle exploration, quels éléments en a retenu Michel en route vers mercredi prochain. Également en médium, puisqu'on parlera avec Iris de bande dessinée et de numérique. On sait qu'Iris a beaucoup édité, notamment sur le web, avec l'Hosticha, avec la liste des choses qui existent. Et comme beaucoup de ses collègues dessinateurs, eh bien également, elle explore et utilise les médiums numériques pour parfaire et présenter et développer son dessin. Alors, quel regard on porte un peu autour de tout ça? Pourquoi on vous en parle cette semaine? C'est un peu avec l'excuse d'une table ronde qui était présentée dans un événement qui s'appelle Hors-jeu à Montréal un peu plus tôt aujourd'hui. On s'est dit, on a déjà amorcé la discussion au fil des dernières semaines et des derniers mois. Ben, poursuivons-la et continuons de porter un regard sur l'incidence du numérique et des technologies sur la bande dessinée. Et sinon, aussi de passage en cours d'émission, Julien Paris-Sorel, le président du conseil d'administration de Front Froid, qui nous présentera le 7e tome du recueil Le Front, qui est un peu le fer de lance de cette maison d'édition. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Et sinon, dans l'actualité, BD, je vous mentionne au passage, en fait, parce qu'il faut pas l'oublier non plus, c'est le samedi de la BD gratuite, ce samedi 3 mai. Alors, les amateurs de comics le connaissent bien, cette journée, en fait, c'est le Free Comic Book Day du côté américain. Mais il y a une initiative québécoise, dont on vous a déjà parlé d'ailleurs au fil des années, qui nous permet de découvrir le travail d'artistes d'ici. Donc c'est ce samedi de la BD gratuite qui est initié par Jean Marquis, la boîte à BD de Laval. Alors l'idée en fait c'est d'inviter des artistes du Québec, des artistes amateurs autant que des artistes professionnels à collaborer sur un recueil qui lui est distribué au fil de la journée dans des librairies participantes un peu partout au Québec. Donc l'idée évidemment à travers ça c'est de rapprocher créateurs et lecteurs parce qu'il y a certaines librairies également qui organisent des événements autour de cette parution, mais également peut-être surtout de permettre aux lecteurs de faire des découvertes, de passer au fil des 52 pages du recueil d'un genre à l'autre, d'un univers à l'autre, au fil de courtes histoires. Et cette année, ben, les participants à ce samedi de la BD gratuite et à ce recueil propulsé par la boîte à BD sont Yann Brouillette, Patrick Boutin-Gagné, Stéphanie Leduc, André Saint-Amour, Patrick Hénaff, Tristan Rouleau, SV Bell, Jean-Dominique Leduc, François Donatien, David Thérien, Jean-Marc Beausoleil, Fanny Grégoire et d'autres. Alors, ben voilà, donc une occasion peut-être de voir et de découvrir ce travail et de mettre la main donc sur ce recueil. Dans l'une des librairies participantes, quelles sont-elles, tout dépendant de l'endroit où vous écoutez cette émission, puisqu'on le rappelle, La vie en BD vous fait l'écouter en direct sur ckrl.qc.ca. Alors, ben notamment à Laval, évidemment, la boîte à BD à Trois-Rivières, zone 51, à Longueuil, Comic Rive-Sud. À Québec, c'est la librairie Première Issue sur la rue d'Auteuil qui le propulse. À Mont-Joli, la librairie Liboucou. À Saint-Lambert, le libraire Le Fureteur. Au Saguenay, c'est les Bouquinistes. Et à Lyon, également, Comic Zone. Et, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, à chaque année, il y a toujours un peu plus de participants à cette initiative. Alors, peut-être que ça continuera également de faire boule de neige et qu'il y aura, ici, par exemple, à Québec, d'autres librairies indépendantes qui entreront dans ce et qui profiteront de cette occasion-là. Et je trouve quand même l'idée intéressante, évidemment, de profiter de ce concept pour de créateurs d'ici qui ne sont pas nécessairement édités ailleurs, notre côté de la sphère américaine qui a initié et proposé ce comics book, ce Free Comic Book Day. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, c'est demain samedi, si jamais ça vous intéresse. Sinon, ben, en musique pour cette semaine, ce sera la formation Mosley Toast qu'on écoutera avec quelques extraits de leur album éponyme et on en écoute un premier dès maintenant. Voilà un petit extrait donc de la formation Mosley Toast ici à CKRL. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre ici à La Vie en BD sur d'autres médias, mais notamment via le web, mais c'est possible au www.voir.ca/Raymond-Poirier ou encore notre site de balado-diffusion, donc lavieenbd.wordpress.com. Et on le disait d'entrée de jeu, donc événement du côté de Montréal autour notamment de questions numériques, événement dans lequel il y a eu également une table ronde sur la bande dessinée et le numérique. Et étant curieux, étant intéressé par les réflexions autour de ce sujet, ben on a rattrapé la balle au bon et on a décidé de s'y intéresser, de faire peut-être un post-table ronde autour de cette thématique-là et de le faire en compagnie d'une des participantes, elle qui nous a donné il y a quelque temps la liste des choses qui existent avec Caton ou encore le Stitch avec Svian, entre autres albums, et qui est avec nous au bout du fil. Iris, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, en fait, table ronde qui s'inscrit, j'ai l'impression, d'un côté, quand on parle de diffusion dans les balbutiements d'une BD numérique, et quand on parle d'exécution dans l'ajout de plus en plus présent de technologies, d'outils, de tablettes, etc., dans la production des dessins en tant que tels. Mm-hmm. Oui. Et justement, peut-être si on regarde un peu le côté exécution, est-ce que les outils justement numériques, technologiques viennent vraiment changer un peu la manière dont on aborde la création ou la liberté qu'on se donne peut-être dans la création ou... Tu vois, nous, on était à la table ronde, on était trois panélistes. Il y avait moi, Pascal Blanchet, puis Yannick Paquette. Puis j'étais étonnée de les écouter parler parce que moi, c'est évident, pour moi, je travaille... presque juste à la main, là, tu sais, je fais le dessin tout à la main, puis ensuite je scanne pour seulement appliquer les couleurs à l'ordinateur. Puis, par exemple, je sais pas si les auditeurs connaissent Pascal Blanchet, mais son travail est super précis, puis on dirait un peu de la sérigraphie, mais c'est ça qui m'explique. En fait, lui, il travaillait à la main, j'aurais pensé que c'était du dessin vectoriel, mais non, puis c'est à la main aussi. Moi, je travaille presque pas avec le numérique, là. Je travaille presque juste à la main. Donc, je pourrais pas vraiment dire qu'est-ce qu'amènerait les nouvelles technologies. Je sais qu'il y a des tablettes graphiques super sophistiquées maintenant, les synthétiques, entre autres, qu'on dessine directement sur l'écran. Là. Mm-hmm. Mais pour moi, en tout cas, je suis pas rendue là. Je suis un petit peu comme une grand-mère, le côté technologie. Là. Oui, il y a toujours, en fait, et d'ailleurs, c'est une mouvance qui reste présente. Donc, le côté, ben on reste avec le papier, on reste avec l'encre, avec l'ordinateur qui vient là peut-être simplement pour corriger un peu des erreurs ou, comme tu disais, pour mettre la couleur, pour compléter c'est ça, un peu. Ouais. Alors, en fait, ce que j'exprime aussi dans la table ronde, c'est que je pense que j'aurais de la difficulté à travailler qu'avec du numérique, comme par exemple ma collègue Élise Gravel qui travaille qu'avec une tablette graphique. Donc, Élise, elle n'a pas d'originaux. Moi, ça me ferait un peu paniquer. J'imagine que je m'habituerais, là, mais moi, de ne pas avoir de version papier de mon image, là, ça, je sais pas, ça serait mais pour moi, je me ferais comme 50 millions de backups de mes fichiers numériques, je serais super angoissée. Puis il y a quelque chose aussi de le fun, en tout cas moi je trouve ça le fun de travailler avec quelque chose qui est palpable, c'est de physique, là, de travailler sur le papier, de voir le dessin apparaître. C'est tout à fait différent de travailler à la tabelle graphique puis de seulement avoir un fichier numérique. Là. Il n'y a pas d'original. J'ai l'impression que c'est même un peu la même dichotomie pour les lecteurs quand on parle du produit album versus l'album purement numérique, purement virtuel, dans la mesure où on dirait que ça reste quand même un médium qui est basé sur le papier autant dans la création que dans la lecture et dans l'objet, dans le fond, l'objet livre. Mm-hmm. Ouais, ben moi j'ai pas de liseuse, j'ai pas de tablette de iPad tout ça, donc moi je lis que des livres papier. Puis même que pour quelqu'un qui fait beaucoup de bande dessinée web, j'en lis plus beaucoup. Ben en fait aussi c'est que maintenant on va revenir à ça là, mais les bandes dessinées qui sont publiées sur le web, du moins au Québec, sont beaucoup publiées en livre après. Mm-hmm. Donc moi j'ai tendance à me dire je vais attendre que ça sorte en livre parce que honnêtement moi je préfère lire le livre, la version papier. Ne serait-ce que parce que je lis pratiquement juste dans le bain. C'est un peu difficile d'amener un iPad ou un ordinateur dans le bain. Mais puis il y a aussi la question de l'objet. Là, c'est un bel objet, le livre. Quoique, il y a des gens qui peuvent faire des trucs sur le web qui sont assez bien foutus aussi, ou comme par exemple qui intègrent des gifs animés dans leur bande dessinée, des choses comme ça qui peuvent pas être faites dans la version papier. Et qu'est-ce qui fait justement, parce que tu le mentionnais tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup d'albums, au Québec du moins, la publication blog est souvent suivie d'une publication papier, ça devient presque un passage obligé, prêt de la diffuser sur le web avant d'être repêché, entre guillemets, par un éditeur. Est-ce que c'est un peu dans cette perspective-là qu'on amorce un projet, on expérimente, puis on veut se lancer, ou c'est simplement pour le plaisir d'expérimenter ou de se faire connaître, ou... C'est difficile pour moi de parler pour les autres. Je pourrais Mais pour toi, en fait, oui. Ouais, pour moi. moi, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles je publie sur le web en premier. Premièrement, pour tâter un peu le pouls, justement, voir est-ce que le projet intéresse les gens, ça va être quoi les retours que je vais avoir. Pas nécessairement les commentaires, parce que, les commentaires sur Internet, là, tout le monde le sait, c'est un peu n'importe quoi. Là. Des fois, c'est genre, j'aime pas d'explication pourquoi, j'aime, pas d'explication pourquoi, tu sais, l'effet Facebook, là. Mais c'est plutôt, tu sais, je vais regarder le nombre de visites sur le blog, puis souvent, ça va me donner un bon indicateur de si le projet devrait peut-être devenir une version papier ou pas. Puis sinon, l'autre raison, c'est aussi que la bande dessinée, c'est vraiment super long à faire, puis c'est un métier qui est vraiment solitaire. Moi, je travaille pas dans un atelier, je travaille de chez moi, donc je vois personne sauf le soir. Là, je travaille toute seule toute la journée. Puis d'avoir de savoir qu'on est lu quotidiennement ou en tout cas hebdomadairement comme ça, de montrer son projet au fur et à mesure qu'il avance, ça donne une motivation supplémentaire à le terminer. Parce que passer genre 2-3 ans sur un livre sans rien montrer à personne, c'est vraiment pas facile. Non, effectivement, ça devient donc ça permet de savoir que les gens sont là, ça permet de savoir qu'il y a un intérêt et ça permet de susciter un intérêt aussi autour de ce produit-là, entre guillemets. Ou juste, par exemple, comme là, je viens de recommencer à publier à chaque semaine une bande dessinée qui s'appelle Folk sur Internet. Puis, tu sais, si on regarde les visites de ce blog-là par rapport aux visites de Le Stitcher, ça n'a rien à voir. Là, j'ai vraiment beaucoup moins de visites, mais je m'en fous un peu dans le sens où je sais que quand même il y a des gens qui vont le lire. Puis même si c'est pas 1500 personnes à chaque note, là, au moins je sais que c'est lu, puis ça me donne juste comme un genre de d'échéancier personnel, c'est-à-dire que je dois faire des pages à chaque semaine. Parce que ce projet-là, je sais pas encore chez quel éditeur je vais le faire. J'ai pas de deadline, il y a personne qui m'impose une date butoir. Donc de le mettre en ligne comme ça, tu sais, je sais que les gens ils viendront pas cogner à ma porte pour se plaindre si c'est pas mis en ligne, mais moi je me suis mis comme contrainte de mettre des pages à chaque semaine, donc ça me fait avancer plus vite dans mon projet aussi. Et dans des situations comme ça, est-ce que ça devient aussi des fois une question pour l'auteur de décider de justement de pas attendre après la proposition d'un éditeur, de pouvoir y aller directement et éventuellement de pouvoir en venir à carrément s'autodiffuser? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les rêves ou dans les cartes de ton côté ou? Non, moi je considère que la diffusion web puis la publication papier, pour moi c'est vraiment deux choses différentes là. Moi, de toute façon, ce que je mets sur le web, là, en tout cas, on dit jamais, on peut pas dire, voyons, je peux pas dire jamais, mais je pense pas que je vais faire payer quelqu'un un jour pour lire mes choses sur Internet, là. Selon moi, ça devrait être tout le temps gratuit. Puis, de toute façon, tu sais, moi, mon but, c'est d'être lu le plus possible, là, donc que ce soit sur papier, sur Internet, peu importe, là, moi, je veux juste être lu. C'est sûr que la publication papier, ça m'amène un petit peu de sous, mais même pas tant que ça, là. L'édition, ça paye pas tant que ça non plus. Donc, pour moi, c'est juste le but, c'est d'être lu, finalement. Mm-hmm. Et est-ce que tu as l'impression, par exemple, sans le blog de l'Hosticha, qu'il n'y aurait pas eu de publication justement chez Delcourt par après, que le blog est devenu un peu instrumental dans le cadre d'un projet comme ça pour avoir le contrat d'édition par la suite? Bonne question. Je pense que, encore là, ça nous a aidé à faire autant de pages puis à être aussi motivés à faire ce projet-là. Donc, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de livre dans le sens où on aurait peut-être laissé tomber le projet s'il n'y avait pas eu un aussi grand engouement pour le blog. Par contre, je veux pas mettre des mots dans la bouche de Louis Trondheim, qui était l'éditeur de ce projet-là, mais j'ai pas l'impression que le fait qu'il y ait un blog ait influencé sa décision. Je pense qu'il a lu, on lui avait envoyé, par exemple, je pense que c'était les 200 premières pages du projet. Puis, je pense vraiment que Louis, c'est quelqu'un qui va plus y aller avec ses goûts à lui, puis OK, j'ai aimé ça, plutôt que de « Ah, ça pogne sur Internet, ça va vendre. » Ouais. Pour Delcourt, nous, on est comme une goutte d'eau dans l'océan. On n'est vraiment pas une vache à lait pour eux. Si vous pouvez imaginer, là, ils ont des gros noms, Delcourt. Oui. Fait que, honnêtement, je pense pas que ça influence le choix de l'éditeur. Puis pareil pour Folk. Donc c'est plus la motivation des auteurs à produire le projet pour ensuite le proposer, dans le fond, comme tu disais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Ben, selon moi, là, il faudrait demander à des éditeurs leur avis aussi. Mais comme par exemple la liste des choses qui existent, je pense que c'est un blog, ça aussi, à la base, mais avec un contenu différent de ce qui a été publié en livre. Mais je pense pas que la Pastex s'est dit « Oh wow, tu sais, quel blog, quel succès, on va faire un livre avec ça ». Je pense que encore une fois, c'est qu'ils aimaient l'idée du projet. Et parallèlement, est-ce que ta relation un peu avec le blog, d'une série à l'autre, parce que en même temps, tu donnes pas dans l'autobiographique, tu donnes dans le feuilleton, tu donnes dans des trucs un peu plus classement avec la liste, etc. Donc, est-ce que t'as l'impression que c'est un créneau qui est encore un peu sous-utilisé dans le développement de blog BD versus justement le classique autofiction qui a connu une grosse vague à un moment donné, puis on dirait que les gens ont associé aussi avec l'idée de diffuser sur le web. Ouais, ben il y en a encore qui font ça sur le web là, du blog. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup encore. Mais de un, je pense que c'est une mode qui est un petit peu passée. De deux, ça c'est, en tout cas c'est une hypothèse que je lève là, mais je suis pas certaine. Mais je pense que la venue de Facebook a fait que un peu monsieur, madame, tout le monde qui dessine ou qui dessine pas peut parler de sa vie publiquement sur Internet. Fait qu'il y a peut-être moins l'intérêt maintenant de faire un blog. De faire ça. Ouais, fait que, dans le fond, les blogs qu'on suit sont ceux qui étaient lancés il y a plusieurs années, mais sinon c'est plus c'est difficile ça. Aussi pour un nouveau blogueur autobio de percer aujourd'hui. Ben, je pense que oui, puis même un blogueur tout court, comme moi, ces temps-ci, j'ai un petit peu la nostalgie de l'époque du début des blogs au Québec. Il y avait vraiment un esprit de communauté, puis c'est parce que maintenant, ben même moi je le fais, là, tu sais, on a tous une page Facebook. Quand on poste une note de blog, on la poste aussi sur Facebook, puis les gens finissent par juste liker sur Facebook, puis ils laissent plus de commentaires sur le blog. Puis c'était comme ça que ça fonctionnait. Quand j'ai commencé à bloguer, moi, en genre 2002-2003, c'est qu'en fait, il n'y avait pas Facebook. Fait que les gens, les autres blogueurs, que ce soit des blogueurs littéraires ou de bande dessinée ou des dessinateurs, ils venaient sur ton blog, ils laissaient un commentaire, tu cliquais sur leur nom, tu allais voir qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ça créait une espèce d'esprit de communauté comme ça. Et c'est plus le cas à cause de Facebook, maudit Facebook. Mais en même temps, Facebook amène une plus grande visibilité de notre travail aussi. C'est comme un couteau à double tranchant, finalement. Oui, puis dans un contexte aussi où il y a de plus en plus de gens qui se disent, ben, on va essayer de monétiser, entre guillemets, un peu le lectorat, mais d'une certaine façon, on fait exemple Carl Kerschel, qui fait Charles Christopher, lui, il a décidé, dans le fond, de carrément vendre ses bouquins auto-édités sur son blog. De ton côté, tu as la boutique en ligne aussi. Donc, est-ce que ça devient un peu une manière de dire, ben, OK, je suis sur le web pour le fun, pour proposer mon matériel, mais en même temps, si les gens veulent un peu plus, ben, d'avoir aussi une option pour justement rentabiliser un peu l'exercice? Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, la boutique en ligne, par exemple, la mienne, je vends surtout des fanzines dessus. Mais c'est pas en ligne que je vends le plus. Ça va être encore une fois dans les librairies. C'est compliqué à gérer, honnêtement. Là. C'est beaucoup de temps. T'sais, c'est sûr qu'en vendant des fanzines, je fais beaucoup plus d'argent à l'unité que quand je vends des livres en librairie. Mais c'est comme un travail en soi. Là, mais c'est le fun, parce que ce qui est intéressant de ça, parce que là, j'ai l'impression de juste parler d'argent, là, mais c'est pas juste ça qui est intéressant. Oui, on fait un peu plus d'argent avec les fanzines, mais il y a un contact direct avec le lecteur aussi. Moi, j'ai pas de boutique en ligne en tant que telle. Moi, c'est juste écrit, écrivez-moi un email, puis je vais vous l'envoyer par la poste. Fait que la personne, elle t'écrit, puis souvent, elle rajoute un petit mot, tu sais, ah, j'ai beaucoup aimé ce livre-là de toi, ou tu sais, ça permet aux gens de donner des commentaires, en fait. Pis ça, c'est vraiment le fun, puis souvent, quand j'envoie des fanzines, je mets des goodies, là, je mets des autocollants, des cartes, des trucs que j'ai dessinés, tout ça. Que ça donne une expérience un peu plus personnelle au lecteur. Et Iris, en terminant, après avoir réfléchi sur la BD et le numérique pendant quoi, à peu près une heure cet après-midi avec Pascal Blanchet et Yannick Paquette, qu'est-ce que tu en retiens? Ce serait quoi un peu la conclusion que tu ferais de cette amorce de discussion-là, si on peut dire? Bien, la conclusion, j'en sais, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup, tant que ça, parlé de BD numérique. On a parlé beaucoup de bande dessinée en général. Puis bon, c'est ça qui arrive aussi des fois dans les tables rondes. On part sur des sujets, puis finalement, il y a un filon qui est intéressant, donc on dévie un peu. Mais ce que je retiendrai de cette table ronde-là, c'est que j'ai trouvé ça super intéressant d'écouter Yannick et Pascal parler de leur travail. J'ai appris beaucoup de choses. Puis surtout Yannick Paquette, qui est dans le monde du comic book, un monde que je connais pas du tout. Puis j'ai trouvé beaucoup de ressemblances ou de façon de travailler pareil, en fait, entre ce qu'il fait et ce que je fais. Puis que pourtant, on fait vraiment pas le même genre de bande dessinée. Puis je pensais que c'était un milieu qui était très, très, très différent du monde de la bande dessinée québécoise. Je sais jamais comment le décrire. J'aime pas ça dire bande dessinée d'auteur, mais en tout cas, j'aime encore moins dire roman graphique, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je pensais que c'était très différent. Finalement, en l'écoutant parler, je me rendais compte que ça se ressemble beaucoup, puis qu'on est un peu tous dans le même bateau, finalement. Ben, Iris, merci beaucoup. Merci à toi. Toujours l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1, la formation Tasty Toast qui nous amène d'un segment à l'autre. Raymond Poirier toujours avec vous au micro. Et peut-être quelques petits commentaires sur des sorties récentes. Tiens, notamment le tome 110 de la série Donjon Crépuscule qui est sorti tout récemment du côté québécois. Et évidemment, m'a rendu à ce stade-là, je pense que soit on suit la série, soit on ne la suit pas. Et c'est le genre de truc que si on décide de l'amorcer, ben on sait qu'il y a, ma foi, une montagne littéralement à lire pour en faire le survol complet. Et sinon, il y a toujours la sous-question, est-ce qu'on peut se lancer un peu au hasard dans un épisode ou un autre? Et dans ce cas-ci, comme dans le cas d'autres, oui, on peut se lancer de manière agréable, donc au 110e tome d'une série, mais par contre, évidemment, on manque un peu certains éléments, certaines références, certains clins d'œil, et certaines caractérisations qui sont peut-être un peu moins développées parce qu'on prend pour acquis que les gens qui lisent ce récit-là, ben, ont déjà une certaine connaissance de l'univers. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec Herbert, donc qui a arrêté de satisfaire l'entité noire en sacrifiant des centaines de gens. Donc, la Terre Amata a implosé en des milliers d'îlots qui, eux, dérivent. Et il y a donc un petit groupe de héros, Marvin Rouge, Marvin et le roi Poussière, qui se retrouvent sur un îlot et qui, finalement, doivent confronter, justement, l'entité noire, la défaire pour sauver l'avenir de la dynastie d'Herbert et pour sauver le monde en général. Alors, toujours quand même certaines innovations dans la mesure où c'est une série qui, certes, est produit énormément, mais reste que on n'a pas l'impression non plus qu'ils ne se sont entièrement assis dans la routine. Dans ce cas-ci, le donjon du titre n'existe plus, il est fini. On voit l'histoire se dérouler du point de vue d'un autre personnage qui devient le héros de ce tome-là, mais qui n'était pas le héros des tomes précédents. On se retrouve toujours dans une ambiance fin du monde, un peu comme celle du tome précédent, le 106. Donc une course la montre, une course contre l'entité noire, donc un récit qui est quand même très très rythmé, beaucoup de scènes de combat, c'est vraiment homérique par moment. Je pense que l'adjectif est assez viable de ce côté. Ça reste bien dessiné, c'est Alfred qui se retrouve au dessin aux côtés de Sfar et de Trendem au scénario. Donc, un album qui roule bien, en fait, une formule qui marche, qu'on réussit à renouveler quand même un brin et en même temps qu'on réussit à garder suffisamment intact aussi pour le plaisir de ceux qui la connaissent bien. Alors si vous aimez Donjon, vous serez probablement pas déçu de retrouver cet album qui est solide à l'image de d'autres, donc pas un chef-d'œuvre incontournable, mais pas un mauvais album non plus, loin de là. Autre petit clin d'œil, série qui s'appelle Anna Anna, tome 3, une virée à la mer. Vous avez peut-être vu ça passer chez Dargo. C'est Alexis Dormal et Dominique Rock qui, en pause des tomes de Pico Bug, ont développé un spin-off, si vous me permettez l'anglicisme, vers une série jeunesse, une série pour, ma foi, les gamins, les enfants. Donc, autour du personnage de la petite sœur de Pico, c'est le troisième tome et on la retrouve dans des courtes aventures avec ses peluches. Et dans ce cas-ci, elle les amène à la mer. On se retrouve avec différents petits épisodes où on se retrouve les pieds dans l'eau, première expérience avec la mer, où la baleine essaie de retrouver, le toutou baleine essaie de retrouver les vraies baleines, se perd, finalement est retrouvé. Donc, plein de petits épisodes comme ça qui cadrent bien dans le contexte, en fait, d'une série pour plus jeunes, donc les temps d'attention parfois un peu plus réduits. Évidemment, cela dit, ce n'est pas non plus de la grande série jeunesse. Il y a mieux qui se fait dans des éléments spécialisés. Ici, on mise peut-être un peu sur l'amour des plus vieux envers l'univers et le dessin de Dormal et Rock pour les amener vers une production jeune public, pour initier peut-être leurs enfants à l'univers de Pico Bug. Donc ça reste bien, mais c'est pas transcendant et je ne pense pas non plus que pour des enfants ça l'est, mais par contre ça reste quand même là, pas du tout mauvais, là, on s'entend. Donc un petit récit correct sans plus. Donc Anna Anna tome 3, une virée à la mer. Et tiens, je suis en feu et en rafale avec les commentaires et les commentaires de lecture récents. J'y vais avec un rapide clin d'œil sur une autre série jeunesse, peut-être pour les jeunes autour de 8, 9 ans, 10 ans dans ces eaux-là. Là. Les aventures de Super Patate, tome 3, c'est d'Arthur Laperlache et Bang Ediciones. Assez rigolo, en fait, c'est l'histoire d'un super-héros qui s'est fait transformer en patate par un vilain. Et dans ce récit-là, il vit quelques aventures dans lesquelles il y aurait la possibilité de retrouver sa forme initiale, mais finalement, il n'aime plus l'homme qu'il était, donc choisit de profiter de l'occasion pour se réinventer, pour rester super patate et mettre de l'avant les qualités qui font ce qu'il est aujourd'hui plutôt que celles qui faisaient ce qu'il était à l'époque. Et ben voilà, donc on le retrouve dans une aventure plutôt absurde, évidemment avec un titre comme ça, on s'y attend à un récit qui est assez conscient d'être un récit, des méchants qui sont conscients d'être des méchants, des héros qui le sont aussi, donc ça fait une ambiance qui est assez décalée, qui est pas déplaisante, une lecture rapide qui, je pense, dans ce cas-ci, risque bien de rejoindre aussi le public cible qui va aimer ce type d'ambiance, ce type d'esprit-là, qu'on retrouve aussi, par exemple, au Québec dans un autre registre, là, mais dans même humour décalé, peut-être avec la série L'Agent Jean ou des choses comme ça. Donc,

de vote de la part du public. Et une fois justement que les projets sont sélectionnés, de quelle manière en fait on accompagne peut-être un peu le travail des auteurs? Est-ce qu'on leur laisse un peu le champ libre ou est-ce qu'on s'assure justement que les récits correspondent à ce qui avait été proposé? Quel suivi on fait? Il n'y a pas de thème imposé tant que ça reste de la bande dessinée de genre, donc ce qui correspond à notre ligne éditoriale. Mais c'est certain que nous, on va accompagner les auteurs, les dessinateurs, les scénaristes tout au long du processus de création. On va les guider. Si on voit qu'il y a des problèmes majeurs, évidemment, on va leur conseiller des solutions. Mais on leur laisse quand même pas mal de liberté. Pour la plupart, c'est des auteurs qui font leurs premières armes à travers le récit. Le fond, d'ailleurs, cette année, c'est tous des nouveaux, sauf Benoît Vézina, qui est un ancien, là, que c'est sa troisième publication dans le front. Et j'ai l'impression que ça devient important aussi des recueils comme ça, au-delà de la promotion de la BD de genre en province. Ça devient important côté expérience de publication aussi, côté possibilité d'être publié pour des auteurs qui n'ont pas encore fait leurs armes en édition papier ou en entre guillemets vraie édition. Oui, mais c'est comme je disais, pour la majorité, c'est leur première publication professionnelle à vie. Puis c'est vraiment dans le but aussi de découvrir des jeunes auteurs émergents, des nouveaux talents, des nouvelles possibilités. Puis comme exemple, moi, ça a été, je pense, il y a 3 ans, une de mes premières possibilités de publication. Donc, je trouve ça important de faire continuer ce projet-là. Oui, ben en fait, parce que nécessairement, en fait, c'est avec l'expérience, avec le feedback, avec la possibilité d'être publié à l'écrit, ça change un peu la dynamique versus l'autopublication, versus le fanzine, versus la publication web, justement. Exactement, puis ça leur permet aussi d'être en contact directement avec le milieu, étant donné qu'on court la majorité des événements littéraires puis BD. Puis aussi, c'est d'être en contact avec d'autres auteurs émergents pour les stimuler, les inspirer, puis peut-être initier des projets aussi parallèles. Et est-ce que tu as l'impression, Julien Paré-Sorel, qu'avec Froid qui a développé sa collection Anticyclone, donc des récits, des longs récits, en fait, qui sont publiés, est-ce que ça change un peu la dynamique versus le recueil Le Front? Est-ce que ça change la visibilité qu'on donne au front? Ou au contraire, on réussit à amener les deux de front, entre guillemets, de manière assez viable? Bien, c'est certain qu'il y a un lectorat là, de base là, qui sont toujours intéressés de voir le nouveau front pour justement découvrir les nouveaux talents. Nous, par rapport au sein de notre équipe, c'est certain que c'est devenu un peu une façon de dénicher, de découvrir des nouveaux talents qui pourraient potentiellement faire des albums pour la collection Anticyclone. Par exemple, Benoît Vézina, qui a fait 3 publications au sein du front, mais là, c'est sûr que nous, on serait intéressés de voir un récit de plus longue haleine avec lui. Là. Mm-hmm. Sinon, il y a Caroline Brault, qui a fait la magnifique illustration de couverture pour le front 7, qui, elle, vient tout juste de terminer Hiver nucléaire, qui va être publié à la fin de l'année dans la collection Anticyclone. Mm-hmm. Et parallèlement, au niveau du front 7, comme à chaque année, tu le disais, Julien, en fait, il n'y a pas de thème imposé aux auteurs. Par contre, vous amusez par après en trouver un, et celui qui est ressorti, c'est l'idée d'immensité. Exactement. C'est l'idée de grandeur, l'idée, autant au niveau quête épique, à grande proportion, mais aussi un peu plus d'action fondamentale, récit interne. Mais toujours l'idée de grandeur, d'immensité. Et au niveau du type de récit, comme à l'habitude, c'est extrêmement varié en termes de style, en termes de dessin, ouais. En termes de type de narration. Tu parlais de Benoît Vézina, lui, il va plus dans quelque chose de souriant, un peu humoristique. Oui, on est vraiment dans la tradition. C'est de la BD muette, premièrement. C'est des courts récits. Hein. On parle de 8 à 12 pages par récit. Pour Benoît Vézina, qui fait une histoire qui s'appelle Bon Karma. Donc là, on est vraiment dans la tradition un peu plus. Ça me fait penser un peu Charlie Chaplin, slapstick un peu. Donc l'humour passe beaucoup par les actions, les gestes du personnage. Ça va très vite, c'est un peu une course effrénée. Est-ce que tu veux que je résume un peu l'histoire, peut-être? On peut les présenter brièvement. Je pense qu'on peut passer d'un à l'autre. Au niveau, justement, plus de course effrénée humoristique, on dirait qu'il y a quand même plus cette année de récits qui sont un peu plus légers, entre guillemets. On est moins dans l'horreur, plus dans des récits un peu plus fantaisistes, mais un peu plus souriants aussi que d'autres éditions du recueil, j'ai l'impression. Je pense avec, justement, les récits de J.P. Perrault, je pense avec le récit de Myriam Aubin aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite tangente un petit peu plus peut-être humoristique, mais en même temps, tu vois, c'est ça qui fait la force, je pense, des collectifs, puis dont le front, c'est assez varié. On regarde le premier récit de Jocelyn Bonnier, Pithécanthrope, c'est assez trash quand même, c'est assez gore, donc il y en a vraiment pour tous les goûts à ce niveau-là, c'est certain. Et justement, en fait, Est-ce que, ben, en fait, on peut présenter peut-être un peu aussi, bon, Pampité Canthrope, on se retrouve dans une histoire un peu d'homme des cavernes, entre guillemets, dessin très sombre aussi. Oui, c'est un homme qui arrive dans un restaurant, là, sur le bord d'une route, là, un peu style truck stop. Puis il va charmer la serveuse qui est assez sexy. Puis là, il va se faire enlever par deux hommes qui, justement, ont l'air un peu des gorilles, là, hommes de Cro-Magnon. Donc, il se retrouve assez désemparé puis dans une mauvaise posture. Et comme je disais tantôt, je veux pas trop avancer dans le récit, étant donné que c'est assez court. Mais donc, pour Peter Cantrop, c'est assez bien réalisé. Là. Il y a Jocelyn qui travaille beaucoup en storyboard pour le cinéma. Donc, c'est très dynamique. Très bien dessiné. Et il y a deux récits aussi qui sont plus dans le registre fantastique, fantasy. En fait, Le Vent du Nord de Simon Morin et donc Le Défilé des Titans de Brice Arthaud et Grégoire Mabi. Oui, Mabi, oui. Exactement. Donc, il y a Le Vent du Nord de Simon Morin qui est l'histoire d'un peuple qui essaie de traverser une frontière au nord du royaume. Puis, il y a un seul homme, un peu une légende humaine qui bloque l'accès. Donc, c'est l'histoire un peu de la princesse du royaume qui, la nuit, décide d'aller l'affronter, ce fameux homme barrage. Ensuite, tu parlais de, je crois... Défilé des titans, oui. Donc, ça, il faut imaginer un peu un récit de piraterie, mais au lieu que ce soit des bateaux, c'est carrément des immenses bêtes à mi-chemin des mammouths géants, des rhinocéros. Et sur leur dos, il y a un genre de bateau comme ça. Donc, on parle de confrérie, de mutinerie. D'alliances et de combats entre différents peuples. Et je mentionnais tout à l'heure, en fait, le récit de J.P. Perrault, il a appelé La Rose du Ciel versus le Troisième Reich. Et c'est, il me semble, en fait, en termes d'humour, assez différent de ce qu'il fait dans Fearless Man ou de ce qu'il va faire dans des collectifs comme Zidara 9. On est dans quelque chose de quand même un peu plus sérieux, entre guillemets. On est plus dans le drame historique. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une dame qui devient un peu la chef de l'escadron des Rocketeers, donc ceux qui ont un jetpack derrière le dos. Ça se passe en 1945, je crois, pendant la guerre avec les Allemands nazis. Puis on est au Québec, donc dans ces années-là. Et il y a cette dame-là qui va tenter de sauver le peuple. Donc il y a quelque chose d'assez patriotique et assez épique aussi là, dans les combats, dans les airs avec les avions. C'est assez impressionnant comme récit. Oui, parallèlement, en fait, je le mentionnais dans les trucs plus légers aussi, un récit, je dirais très cute, si on me permet l'anglicisme de Myriam Aubin entre géant et moustique sur... Oui, oui. C'est encore... C'est assez mignon, ouais, oui, c'est vrai. Donc, elle, c'est l'histoire d'un géant qui est dans une usine qui contrôle tous les messages qui sont véhiculés à travers le village qui est un peu plus bas de l'usine. Et, c'est pas très clair au début, je laisse le mystère à savoir si son assistant... au géant et a disparu, est-ce que c'est fait congédié, est-ce qu'il a été tué. Donc, il y a une relève qui arrive, une petite fille qui va confronter un peu le géant, qui va tenter de faire rouler la machine, justement, qui permet de transférer tous ces messages de l'usine au village. Très joli aussi. Et en fait, je parlais de variété tout à l'heure, j'imagine que le fait de faire voter justement une cinquantaine de personnes sur des projets, ça assure que il va avoir un bon étalage de goût, aussi une bonne variété de préférences qui va être mise de l'avant. Exactement, ça crée toujours une belle diversité, puis pour nous qui publions le recueil, mais c'est toujours des belles surprises aussi. À chaque année, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Voilà. Et Julien, pour nos auditeurs de Montréal, c'est le lancement a lieu prochainement? Oui, c'est dans le cadre du OFF du Festival de BD de Montréal. Donc, ça va être jeudi le 29 mai à 19h dans un bar qui s'appelle Les Passages. Donc, ceux qui vont sur notre site frontfroid.com ou sur notre Facebook, vous allez avoir l'événement avec toutes les informations. Si vous voulez rencontrer les auteurs qui ont publié dans le Front 7 pour leur jaser, puis une dédicace aussi. Donc, ils vont être là pour ça. Vous êtes les bienvenus. Alors voilà, donc le Front 7, donc recueil de Front Froid, qui est disponible. Julien Paré-Sorel, président du conseil d'administration de Front Froid, merci. Merci à toi, Raymond. Et à la prochaine. Salut. Salut bien. voilà, donc la formation Tasty Toast, tirée de leur album éponyme qu'on a écouté au fil de l'émission. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est « Is Someone There ». Et il y a assurément quelqu'un au bout du fil, puisqu'on met la table dans le prochain segment autour de la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Roy. C'est le mercredi 7 mai prochain. Et la thématique, ce sera la BD et le polar. Pour en parler au bout du fil, Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond Poirier. Alors, BD et polar, qu'est-ce qui t'a lancé un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ce thème-là d'un point de vue narratif, d'un point de vue graphique? Ben, écoute, premièrement, j'ai presque envie de te lire le petit communiqué très court là que j'ai composé pour un petit peu présenter l'activité là, parce que je relisais ça aujourd'hui puis je me disais waouh, ça en jette. Me semble que je l'ai bien écrit. Me semble que c'est pas pire. C'est-tu vraiment moi qui ai écrit ça? Alors, ça dit singulière dans sa forme narrative hybride, plurielle dans sa richesse esthétique. La bande dessinée est-elle un médium aussi efficace que le roman et le cinéma pour planter le décor du lieu du crime, décrire les circonvolutions d'une enquête, traduire la psychologie des criminels et porter les codes éprouvés du genre? Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Vous vous doutez bien que la réponse sera « Mais oui, la bande dessinée peut arriver à faire tout ça. » Évidemment, ça prend du talent. Évidemment, il y a des trucs médiocres. Mais même pour la psychologie, parce que, comme on le sait, le roman est plus propice à explorer la psychologie des personnages que le son, le cinéma et la bande dessinée, qui sont plus des médiums portés sur l'image et l'action. Eh ben, même à ça, particulièrement dans les dernières années, là, il y a vraiment des œuvres en BD comme ça qui sont étonnantes justement pour lever des voiles sur la psychologie, les motivations profondes des personnages. Et est-ce que justement au niveau de la BD policière, est-ce qu'on dirait qu'il y a autant peut-être de sous-genres que ce qu'on retrouve en littérature, en cinéma, exemple de nos grandes variétés d'exploration de la thématique? Ah, Raymond, depuis un mois, je suis en pleine immersion. Chaque fois, indépendamment du thème, c'est toujours une expérience pas métaphysique là, mais vraiment très particulière, l'espèce de concentration à force de lire autant de trucs autour d'un même thème, mais là dans des esthétiques différentes. Et puis oui, c'est d'une grande diversité. J'ai lu des dizaines de BD depuis un mois, et pareillement à la littérature et au cinéma, il y a des récits d'investigation où priment les ressorts de l'enquête. Je pense, entre autres, pour ceux qui connaissent la BD américaine, connaissent le scénariste Ed Brubaker, qui a fait Scène de crime, qui a fait partie de mes lectures. Il y a des récits noirs qui mettent l'accent sur la psychologie trouble des personnages, donc l'enquête est moins importante. Je pense ici à Fell, que j'ai beaucoup aimé, une autre BD américaine. Des trucs assez récents, d'ailleurs. Hein? Et puis, il y a des récits à caractère sociologique qui dépeignent un milieu, que ce soit le milieu criminalisé, et là, souvent, c'est la mafia, que ce soit le milieu des policiers. Il y a des bandes dessinées comme 22 ou Hergé de Frédéric Peters, qui sont des bandes dessinées françaises, qui sont presque des documentaires qui nous montrent un petit peu le travail au quotidien des policiers. Il y a comme milieu aussi, souvent ça va tourner autour d'Hollywood, de la boxe, du jazz, puis même le syndicalisme aussi qui est lié un petit peu au crime organisé. Et puis il y a des récits finalement à saveur politique, il y a des récits d'espionnage, là on s'éloigne un petit peu, mais souvent dans des catégorisations, on va inclure ça dans la grande famille du polar. Et il y a des récits qui mettent surtout de l'avant l'action, qu'on va appeler des thrillers. Là-dessus, j'ai fait des lectures, entre autres. Tu vas me confirmer ça, Raymond. Tyler Cross, c'est bien la bande dessinée étrangère qui a eu le BD Scosa cette année. Oui. D'accord. Et puis, que j'ai bien apprécié. Il y a aussi l'excellent Key et Jake Ellis, qui va sur les chapeaux de roue. C'est vraiment un thriller plein d'action. Il y en a d'autres que c'est axé sur le suspense, et on le sait, le suspense supporte pas vraiment l'action et la vitesse, c'est complètement autre chose. Et puis, ben, pour finir, la nomenclature, là, écoute, il y a des enquêtes qui vont se dérouler dans un contexte historique. Il y en a beaucoup dans le Londres victorien autour de Sherlock Holmes, de Jack l'Éventreur et compagnie. Il y a des trucs même qui se passent dans l'Antiquité, ou encore un album, une autre affaire, un autre album américain que j'ai lu, Torso. Torso qui était le surnom de ce qui est considéré comme le premier tueur en série aux États-Unis. Ça s'est passé durant la Grande Crise dans les années 30. Il y en a qui sont dans un contexte, au contraire, non pas historique, mais futuriste, dans le futur. Et il y en a qui, finalement, qui mélangent joyeusement tous les genres. Ah, j'allais oublier aussi, il y a des parodies. Il y a des parodies qui prennent les codes du genre puis qui les exagèrent. Et puis, il y aurait peut-être aussi une sous-catégorie avec quand même des séries qui sont pas des moindres, c'est-à-dire des BD animalières, mais policière. Alors, on pense évidemment à Canardo, on pense à Black Sad, qui est un grand succès des dernières années, et une brique que j'ai lue, je ne sais pas si c'est passé entre tes mains, Raymond, La Pieuvre. C'est un truc documentaire qui retrace vraiment presque semaine par semaine une période sombre de l'histoire de l'Italie quand la mafia a vraiment fait des siennes puis que c'était devenu incontrôlable puis il y avait une guerre des gangs en plus. Les avocats, les juges se faisaient assassiner, la police était corrompue, ça allait vraiment mal. Alors ça, c'est une espèce de gros album vraiment imposant qui est évidemment dans un registre, on s'entend, complètement différent que plein d'autres affaires que j'ai nommées. Et ce qui est intéressant aussi, j'imagine, là-dedans, sachant que l'univers littéraire est foisonnant dans le polar, que l'univers cinématographique l'est aussi, il l'a toujours été au fil des époques, des périodes, j'imagine qu'il y a des influences croisées aussi, que la BD est influencée par cette littérature-là, par ce cinéma-là. Oui, ben je dirais que pour le roman, l'influence s'opère sur le plan du ton. Tu sais comment que surtout dans les récits noirs, dans les romans noirs, à quel point le ton des livres est important. Puis dans le fond, même quand c'est une enquête, souvent, il y a une voix qui nous parle. Et que ce soit le personnage, l'enquêteur lui-même qui nous parle, ou que ce soit un narrateur omnipotent, il reste que le ton, la voix qui nous parle, la saveur, tu sais, le langage, quand on dit qu'il y a une langue savoureuse dans le polar, c'est super important. Fait qu'on retrouve ça dans les bandes dessinées. Mais il y a aussi une influence indirecte parce que je te dirais que évidemment visuellement l'influence va venir beaucoup du film noir, mais il se trouve que pour ne pas dire la plupart des classiques du film noir sont d'abord et avant tout adaptés de romans noirs, donc là l'influence se fait aussi indirectement. Et puis il y a par ailleurs, et là l'influence est on ne peut plus directe, il y a énormément de romans qui sont transposés en BD, et là-dedans, ben il y en a qui sont des romans policiers. Fait que on n'a qu'à penser à la collection B-Détective, qui est une collaboration entre les éditions du Masque, qui édite des romans policiers, et les éditions Lefranc. Eh ben là-dedans, on a retrouvé Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Agatha Christie, Rouletabille. Écoute, on s'entend que ça c'est du série B plus, là. Mais dans une catégorie plus relevée, on pense tout de suite à Tardy. Moineau, plus tard, dernièrement, a pris le relais il y a quelques années, mais à partir de 81, Tardy a adopté nombre d'enquêtes de Nestor Burma, le détective créé par Léo Mallet. Mais je te dirais que dans mes découvertes, les plus concluantes adaptations de romans policiers sont assez récentes, parce que bon, c'est personnel, mais moi, les romans de Mallet adaptés par Tardy, j'ai toujours trouvé ça un peu bavard comme bande dessinée, puis ça me tombait un petit peu des mains. Mais j'ai lu plusieurs BD dans la collection Rivage Casterman. Tu vois, une autre collaboration entre un éditeur de romans et un éditeur de bande dessinée. Et j'ai lu notamment Le Dahlia Noir, Scarface, Shutter Island par Demeter, qui est vraiment qui a fait aussi, qui a dessiné Scarface, qui sont deux albums vraiment impressionnants. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment concluant, des adaptations très réussies. C'est pas toujours le cas. Et parallèlement, au niveau des univers peut-être graphiques, j'ai l'impression en fait qu'on a dans certains albums des sonorités presque de jazz, qu'on a une exploration aussi beaucoup parfois qui se retrouve dans le design des années 40, des années 50, donc dans cet esprit-là avec la boxe, avec la fumée, la cigarette, etc. Hey, oui, mais écoute, il y a quantité de créateurs dans tous les domaines artistiques qui ont conservé un goût marqué pour l'esthétique des années 40 et 50. C'était une espèce d'âge d'or, on peut dire, du design. Juste à penser à la mode vestimentaire, à quel point c'était élégant, même les bombes flash, tu sais. On pense aux autos. automobiles de cette époque-là, de cette période-là. Même les moindres appareils ménagers étaient beaux. Fait que c'est sûr que graphiquement, il y en a plusieurs qui sont tentés de camper leurs histoires dans cette époque-là. Et puis ces dessinées-là représentent par ailleurs une grande époque pour les illustrateurs du magazine New Yorker, entre autres, qui sont certainement, avec Hergé, l'autre grande source d'inspiration des jeunes loups de la ligne claire des années 80. Je sais pas si tu te souviens, les Serge Clair, Yves Chaland, Ted Benoît, ils ont tous fait des récits policiers. Ils étaient tous évidemment influencés par Hergé avec son dessin très très dépouillé, mais aussi par justement les illustrateurs américains. Et puis eux autres, ils se détachent un peu dans leur style, ils se détachent quand même un peu d'un tas de BD policières de la même période contemporaine d'eux autres, c'est-à-dire les années 80, mais qui étaient en noir et blanc, dans un style assez réaliste, la plupart dans des collections comme Bulle Noire, BD Noire ou Noir sur Blanc. Ils sont pas passés à l'histoire, peut-être mis à part Torpedo, qui était plus populaire puis qui l'est peut-être encore un petit peu, mais il y a eu beaucoup de BD dans les années 80, là, et puis ce noir et blanc-là, faut pas chercher. Ça évoque évidemment les films, les beaux films des années 30, 40, 50. Et en terminant, Michel Giguère, il nous reste à peu près 45 secondes. Est-ce que tu aurais en route vers la rencontre des rendez-vous de la BD mercredi qui vient, donc 7 mai à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, quelques titres à nous mettre sur les dents, des œuvres majeures, je sais pas, des États-Unis, de l'Europe, du Japon, du Québec, donc quelques titres en 30 secondes, là. Ouais, ben écoute, côté québécois, Humphrey Beauregard, plus récemment Lionel Enouga, Simon Nian, parodier, qui a été publié en France, puis peut-être une petite mention particulière pour Fantomas, la colère de Fantomas, dessiné par Julie Rochelot. Le tome 2 vient de sortir, c'est visuellement magnifique. Côté japonais, Crying Freeman, Sanctuary, qui est plus autour du crime organisé. Sinon, Old Boy, Season Life, Trouble Is My Business de Taniguchi, pour ceux qui sont curieux de voir ses débuts, mais qui m'a moins impressionné que les autres titres que je viens de vous dire. Et puis, sinon, les autres titres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Venez mercredi, hein, c'est là que vous allez avoir une meilleure idée. Alors, on lance l'invitation, on le rappelle, donc mercredi qui vient à 19h à Gabriel Leroy. Michel Giguère, merci. S'il va avoir bien du stock. Oh oui, et nous, on se dit à la saison prochaine. Bonne fin de semaine, Raymond. Merci, salut bien. Voilà donc Michel Giguère des rendez-vous de la BD. Et ben nous, on se dit à la semaine prochaine donc pour une autre édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Dans quelques instants, Jean-Sébastien Grondin avec son émission Soulfinger.